Oui, revoir, par Loïc Muller. Plein soleil. Plein soleil est un thriller franco-italien des années 1960. Le réaliste est René Clément, qui a aussi fait le scénario avec Paul Guégoff. Le film dure 115 minutes et fut réalisé par la société de production Paris Film Production Titanus. Plein soleil est l'adaptation du roman The Talented Mr. Ripley de la romancière américaine Patricia Highsmith. Philip Greenleaf, le fils d'un milliardaire américain, passe des vacances en Italie avec sa maîtresse Marge. Le père à Philip donne la mission à Tom Ripley de convaincre son fils de retourner en Californie. Tom vit avec le couple, témoigne leur vie intime et commence à aimer la vie du riche Philip Greenleaf. Il se décide de tuer Philippe et prendre sa place. Après une dispute entre Marge et Philippe, créée par Tom, Marge quitte le bateau dont ils ont passé quelques jours ensemble et laisse les deux hommes ensemble. Une fois parti du port, Tom tue Philippe et jette le cadavre de bord avec un ancre pour que personne ne le retrouve jamais. Ensuite, il écrit une lettre à Marge, signée avec le nom de Philippe, où il explique à Marge que leur relation est terminée. L'ami de Philippe, Freddy Miles, commence à comprendre le jeu que Tom joue et se retrouve tué de même par Tom. Maintenant, la police cherche Philippe car il le soupçonne d'avoir tué Freddy Miles. Tom se décide de reprendre son propre nom et de simuler le suicide de Philippe. Il contrefait le testament de Philippe et institue Marge comme héritier. Pour bénéficier de l'argent de Philippe, Tom séduit Marge qui commence aussi à montrer ses affections envers lui. Le plan de Tom semble à fonctionner, mais quand le bateau à Philippe est vendu, le corps de Philippe est retrouvé. La corde qui était attachée autour du corps s'est enferrée dans l'hélice du bateau. Ripley est convaincu du meurtre. La fin du film est différente à celle du livre où on ne trouve pas le corps de Philippe. Les scènes choisies. La première scène que j'ai choisie est celle où Tom rentre dans la chambre à Philippe et se déguise comme lui. Il entre dans la chambre et aperçoit les habits chers de Philippe. Il y prend plaisir et les essaye. Ensuite, il se coiffe de la même façon pour ressembler un maximum à Philippe. Ensuite, il commence à parler avec son propre reflet. Il entretient un monologue sur l'amour qu'il sent pour Marge. Il finit par embrasser le miroir, donc soi-même. Cette scène contient des éléments très importants pour la suite du film. Premièrement, le plaisir que Tom ressent pour la vie de Philippe. Deuxièmement, le changement, ou plutôt la transformation qui commence à prendre place de Tom en Philippe. Le mimétisme qui enseigne le changement de Tom. Le narcissisme. Car Tom adore sa nouvelle image, le reflet de la personne qu'il pourrait être, et la rupture de cette scène, presque amoureuse, merveilleuse, par l'obstacle du fantasme lui-même, Philip Greenleaf. Greenleaf est grand et debout, Ripley qui est pris en défaut à genoux. Plus petit que Greenleaf, qui, dans une pose dominante, le regarde méchamment avec une fouet dans la main. La scène indique une transformation qui va prendre place, mais qui n'arrivera jamais à devenir réalité si Philippe est en vie. La deuxième scène est la scène finale. En fait, ce sont deux scènes qui se déroulent plus ou moins simultanément. D'un côté, la scène à la plage où Marge et Tom passent l'après-midi. De l'autre côté, la scène au port où plusieurs messieurs, incluant l'avocat de Monsieur Greenleaf Senior, et Monsieur Greenleaf Senior lui-même se retrouve pour parler de la vente du bateau de Monsieur Greenleaf, donc Philippe. Pour cette raison, le bateau est sorti de l'eau. La gouvernante court à la plage pour renseigner Marge que le père à Philippe est arrivé pour parler des conditions de vente du bateau et qu'il la cherchait. Marge s'en va et quitte Tom qui reste à la plage pour fêter sa réussite avec des boissons dans une chaise longue au bord de la plage. Ensuite, on voit comme le bateau est tiré à terre. La caméra passe le long du bateau jusqu'au bout où le spectateur aperçoit une corde enferrée dans l'hélice du bateau. Comme le bateau est toujours encore en train d'être tiré à terre, le bateau tire ce qui est attaché à la corde à terre. C'est le sac dans lequel se trouve le cadavre de Philippe et qui va prouver que Philippe a été tué et qu'il ne s'est pas suicidé. On entend le cri de Marge qui aperçoit le corps et la scène changer à la plage où se trouve Tom, seul et avec un verre dans la main, ignorant le bateau avec le voile noir qui quitte le port. Le noir est souvent utilisé pour montrer le danger, la mort ou l'obscur. Le parasol est ouvert et allongé par terre, comme s'il voulait cacher la ville dans laquelle son crime a été découvert. Le film termine avec la scène où Tom entre dans le bar où la police l'attend. Cette scène est la scène de dénouement car elle montre la vérité. Si la corde ne serait pas enferrée dans la hélice, le crime n'aurait jamais pu être découvert. Ainsi, il est remarquable que d'un côté, on a le malfaiteur qui est sûr de son coup et qui se sent imbattable, et de l'autre côté, ses rêves sont détruits car on trouve ce qu'il a fait de mal. Ce jeu entre l'ignorance de Tom et de la vérité qui est découverte crée du suspense. Ce film est considéré comme un des grands classiques du cinéma français. Le film a lancé la carrière d'Alain Delon en avant. Il est aussi considéré comme un des grands classiques grâce aux deux interprètes Maria Laforêt et Maurice Ronet, deux grands acteurs français. Il montre la condition humaine, les désirs qu'on a et les risques qu'on prend pour bénéficier de la vie. Ainsi, la mise en scène est somptueuse et merveilleuse et elle pose un contraste criant au meurtre de M. Greenleaf.